Mosaïque. Bonjour ou bonsoir, chers auditeurs et auditrices de la radio Sangalio, selon le lieu à partir d'où vous nous écoutez, ravi de vous retrouver pour ce rendez-vous de l'émission Mosaïque. Et ce sera pour parler de la crise de 1972, dont le début coïncide avec l'assassinat du roi Charles Ndizeye. C'était le 29 avril. En effet, 46 ans après l'éclatement de cette crise qui a coûté la vie à plusieurs milliers de personnes, beaucoup de Burundais en ignorent encore les tenants et les aboutissants. Après cette crise, bien des rapports ont été commandités pour savoir ce qui s'est réellement passé, mais rares sont ceux qui ont été validés. Aujourd'hui, il y a plusieurs écrits sur cette crise qui a emporté tant de vies humaines, Hutu comme Tutsi, mais ces écrits sont parfois divergents au sujet des auteurs et des victimes de cette folie meurtrière. Ici, il y a lieu de se poser de multiples questions. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Est-ce qu'il y avait de signes avant-coureurs de cette tragédie? Pourquoi aujourd'hui il y a divergence de point de vue sur ce qui s'est passé? Existe-t-il une vérité factuelle? Qui détient cette vérité? Étant donné que le passé prépare l'avenir, que peut-on apprendre de ce passé douloureux? Est-ce qu'il est possible de sortir une fois pour toutes de cet engrenage de crise pour une cohabitation pacifique entre les deux communautés Hutu et Tutsi qui, depuis près d'un demi-siècle, s'accusent mutuellement? C'est autour de toutes ces questions que nous allons débattre avec nos invités qui sont le professeur Evariste Ngaïmhenda, chercheur et professeur d'université. Bonjour. Bonjour. Bienvenue dans ce débat. Merci pour l'invitation et je salue aussi ceux qui nous écoutent. Nous sommes aussi avec Aloïse Batongwanayo qui est également chercheur. Bonjour. Bonjour. Vous écrivez une thèse de doctorat sur la crise de 72. Est-ce que je me trompe? Non, vous ne vous trompez pas, mais j'ajoute aussi la crise de 93. C'est quoi déjà le thème de votre thèse? C'est les régimes mémoriels des crises de 1972 et de la crise de 1993. Bienvenue dans ce débat. Je vous remercie pour m'avoir invité. Notre invité, c'est François-Xavier Sabimana, coordinateur et représentant légal du collectif des rescapés et victimes du génocide commis contre les Hutus du Burundi en 1972, avant et après. Bonjour. Bonjour et mes salutations à tous nos auditeurs. Bienvenue. Merci. Nous sommes également avec Terence Mouchano, vice-président de la CGNOCIDE Chirimoso, à qui nous disons également bonjour. Bonjour, Joseph, et salut à tout le monde qui nous écoute. Bienvenue, messieurs. Merci. La mise en onde est assurée par Eric Ouimana. Jérôme Nyozima est à la réalisation et au micro. Vous retrouvez Joseph Tabiabandi. Bienvenue. Mosaïque. Pour entrer dans le vif du sujet, professeur Evariste Ngaïmhenda, peut-on savoir ce qui s'est réellement passé en 1972? Bien sûr que si on veut le savoir, on le saura. Le problème, c'est que tout le monde croit qu'il sait. Mais en réalité, très peu de gens savent. Parce que très peu de gens croient qu'il soit nécessaire de chercher pour savoir. Et la plupart des gens qui parlent de 72, ils parlent de ce qu'ils ont entendu dans des cadres de socialisation politique, qui sont des cadres familiaux ou des cadres politiques. Des cadres qui ne sont pas nécessairement les plus documentés, même si chacun peut transmettre la mémoire de ce qu'il a connu, de ce qu'il a vécu personnellement. Et c'est ça le drame, je crois, de 72, c'est que chacun veut transposer tout ce qu'il a vécu en fait une réalité nationale. Deux, il y a des drames qu'on a vus, qu'on a vécus, mais on cherche rarement à en comprendre les tenants et les aboutissants. Parce qu'en fait, de 72, on a fait un instrument de lutte à travers des mémoires conflictuelles. On a fait un instrument de lutte, de confrontation ethnique, chaque groupe revendiquant seul le monopole de la violence subie, et une violence présentée comme gratuite. Mais dans les faits, et là je parle de ce que je sais, pour avoir mené des investigations depuis 1994. Pas à temps plein, mais ça fait quand même à peu près 24 ans que je m'en occupe. Et à ce que j'ai déjà trouvé à ce stade. Et je suis heureux que cette émission a lieu 2 ans après que cette mémoire ait été soutenue à l'Université du Burundi, au département d'histoire, sur cette crise. Et ces mémoires ont permis, justement, d'apporter un certain nombre d'éclairages locaux sur ce qui s'est réellement passé. Et à partir du contenu de ces mémoires, à partir de ce que j'avais déjà investigué, et de l'ouvrage de Jean-Paul Chrétien et Jean-François Dupaquier, il est clair qu'en 1972, il y avait un complot d'un massacre d'allure génocidaire ourdi contre les Tutsis. Et dans un certain nombre de localités, là je parle de Nyanzarak, je parle de Rumonge, je parle de Bururi, je parle de Bugizo, je parle de Bujumbura, je parle de Chankuzo, je parle de Gitega. Pour ne me limiter qu'à 1972, il y a eu un début de massacre qui ont été arrêtés soit un jour après, soit 2, soit 3, soit plus par l'intervention de l'armée. Cela dans un premier temps. Et dans un deuxième temps, il s'est suivi une répression quasi systématique et qui a malheureusement concerné tout le Burundi, y compris des secteurs où il n'y avait pas eu de massacre de Tutsis. Laquelle répression a été dirigée principalement contre la population masculine et Hutu, essentiellement les intellectuels, pour la plupart à l'époque, ce sont des enseignants, les militaires, les gendarmes, on avait encore une gendarmerie, les commerçants, les étudiants, et dans beaucoup d'écoles secondaires, des élèves aussi du secondaire. Voilà pour commencer, pour ne pas monopoliser seule la parole, ce que je peux très rapidement en dire. Monsieur le professeur, vous parlez d'un complot contre les Tutsis. Est-ce que ce complot était mené par qui? Parce que des fois on a entendu que l'attaque avait été menée par les Maï Mulele. Est-ce que ce sont ceux-là qui avaient mené ce complot ou bien ce sont des Burundais qui avaient imaginé et mis en application ce complot? Bon, effectivement, on parle de Maï Mulele. D'abord, je dois dire que j'aimerais que celui qui peut le faire le fasse ici. J'aimerais que quelqu'un me définisse qui sont ces Maï Mulele, c'est quoi exactement. Ça, c'est un. Deux, mais dans les faits, il y avait davantage de Burundais que de Mulelistes. Je le répète, davantage de Burundais que de Mulelistes, même si il y a eu recours au mythe Muleliste. Même s'il y a eu implication de certaines populations d'origine congolaise, à l'époque on parle de populations zaïroises, pour la plupart habitant le long de la plaine riveraine du lac. Même s'ils ont eu recours à des procédés d'immunisation, administrés effectivement par des éléments résiduels du moulélisme. Ça c'est vrai, ça c'est en fait, c'est parce que ces procédés d'immunisation étaient censés les protéger contre les balles des militaires. Sinon, pour l'essentiel, c'était des Burundais avec des éléments effectivement dits moulélistes. Y avait-il qui était venu du Congo? Ce n'est pas exclu. C'est même probable, mais un effectif très très faible par rapport aux éléments burundais. Aloïse Batungwanayo, vous aussi, vous êtes chercheur. Vous venez d'entendre ce que le professeur Ebaste Gaïm Henda vient de nous dire par rapport à ce qui s'est réellement passé. Vous avez des ajouts? On ne peut pas parler de 1972 sans d'abord parler de 1971. Parce que depuis 1971, d'ailleurs, même avant ces années-là, il y a eu un climat délétère. Un climat politique malsain, même s'il y avait un parti politique unique, il y avait un climat malsain au sein de la classe politique, parce que vous vous souviendrez qu'en 1971, il y a eu un complot de coup d'État qui était, selon les pouvoirs publics de l'époque, qui était pourdi par les Wanyaruguru. Entendez, les Wanyaruguru, les Watusi qui ne sont pas du Sud, donc qui ne sont pas des Bahima du Sud. Donc, ce coup d'État, on disait que le chef de ce coup d'État était Feu Ntungumbura Nyejérôme, qui était un colonel, avec d'autres personnes qui ont été inculpées. c'est un coup d'État où il y a eu des jugements, des peines de mort, des peines à perpétuité, et puis il y a eu les jeunes de la JRR qui ont fait des manifestations incessantes ici à Bujumbura en faveur de la libération de ces présumés putschistes. Et moi, je les appelle présumés putschistes, même s'ils étaient déjà condamnés. Et le président Mitchombelo de l'époque, sous cette pression, a libéré un bon nombre de ces gens, et d'autres se sont vus leur peine commuée. Et par après, il y a eu le climat malsain qui a continué, parce qu'on le lit surtout dans le livre de Jean-Pierre Chrétien, et aussi dans le livre de René Lemarchand, où le président Michel Mitchombelo faisait des descentes pour pacifier, faisait des descentes pour écouter la population, mais surtout la jeunesse qui était regroupée au sein de la JRR. Alors, là, en 71, il y avait également des rumeurs, comme on le dit, des rumeurs d'une attaque imminente. Et ça, on le trouve dans le livre de l'ambassadeur Boniva Cyprien, qui a sorti en 2015, ici au Burundi, même à Bujumbura, à la Maison de la Presse. Et on disait qu'il y a des gens, surtout des Bahutus, qui auraient fui le Burundi en 1965, qui se trouvent en Tanzanie et se prépareraient pour attaquer le Burundi. Voilà, les autorités de l'époque ont continué à faire des investigations. D'ailleurs, l'ambassadeur Molima Cyprien, qui travaillait à ce qu'on appelle aujourd'hui la documentation, a été envoyé en Tanzanie pour s'enquérir de la situation. Mais dans ce livre, il dit qu'il n'a rien trouvé. De retour, les rumeurs ont continué, les rumeurs d'attaque, et ce climat malsain, avant, qui était entre les Watutsi, Banyaruguru et les Watutsi ou les Waimado du Sud, s'est déplacé, je dis bien le climat, s'est déplacé entre les Bahutu et les Watutsi cette fois-ci, parce qu'on parle d'une attaque imminente qui est organisée par les Bahutu. Et c'est ainsi que, en 72, avant la date du 29, donc la semaine du, 20, du 21, il y a eu une mission qui a été envoyée à Rurouli pour sensibiliser la population pour rester calme. La mission était conduite par Yanda André et Shibura. Et là, on disait qu'ils étaient au courant qu'il y avait une attaque imminente. Et c'est ainsi que à Lumonge, j'allais dire le jour J, malheureusement, il y a eu une attaque juste après la réunion de pacification à Lumonge, où il y a eu des Watutsi qui ont été massacrés, surtout des Watutsi qui étaient de retour à Bururi, qui ont été massacrés en chemin, mais également des Watutsi qui ont été massacrés à Bugizo, comme le professeur Ngaïmena le disait, aussi à Lumonge. Donc voilà ce qu'il y avait en 1972, et ce complot à un certain moment, lorsque vous avez parlé de Maïmoulele, il y a dans le livre de Jean-Pierre Chrétien, où on parle d'un certain Soumialo, un certain Soumialo qui aurait été approché par l'ambassadeur Simbanani Artemo pour lui procurer un certain nombre de Maïmoulele, et le livre parle également d'un certain nombre des jeunes. Sans vous couper la parole, qui était Simbanani Artemo à cette époque-là? Artemo Simbanani, à l'époque, était le ministre des Affaires étrangères, si je ne me trompe pas, et en 72, il a été nommé ambassadeur plénipotentiaire de la République du Burundi, après que le chef de l'État, Michel Mitchombelo, ait renvoyé son cabinet ministériel. Il a renvoyé tout le gouvernement et il a nommé Simbanani Artemo pour être ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire. Comment se fait-il qu'un ministre des Relations extérieures s'est rendu dans un pays voisin pour rencontrer un groupe qui, à cette époque-là, était considéré comme un groupe rebelle? Est-ce que ce genre de relation peut exister? À un certain moment, le professeur a parlé de résidus. Ce n'était plus à l'époque un groupe rebelle parce que les Maïmoulele avaient été défaits par l'armée de Mobutu. Il n'y avait que quelques bribes, sinon les Maïmoulele n'existaient presque plus. c'était des gens isolés. Françoise Xavier Sahumana, vous êtes coordinateur d'un collectif des rescapés et des victimes. Les deux chercheurs viennent de nous retracer les origines de cette crise-là de 1972. Est-ce que c'est réellement ce que vous avez vécu? Merci. Je dois d'abord vous dire qu'au sein du collectif des rescapés et victimes du génocide commis contre les Hutus du Burundi en 1972, avant et après, nous pensons que la réalité d'abord est tout autre par rapport à ce qu'a dit mon collègue professeur Evariste Ngaïmenda. Plutôt au niveau du collectif, ce que nous savons pas gérer, ce que vient de dire M. Aloïse, parce que nous parlons ce que nous avons vécu, nous ne parlons pas ce que nous avons entendu ou ce que nous avons lu dans un ouvrage historique. Mais je dois tout de même reconnaître la nuance préalable qu'a parlé Evariste Ngaïmenda, où il a dit que tout le monde croit connaître ce qui s'est passé réellement en 1972, mais en réalité, c'est une croyance, mais ce n'est pas une connaissance. D'autant plus que quand vous approchez les victimes, c'est là où vous sentez ce qui s'est passé réellement. Ce qui s'est passé en 1972, et pour ceux qui ne le savaient pas, c'était un génocide savamment préparé par le pouvoir de l'époque, à la tête duquel se trouvait Michel Michombero, président de la République de l'époque, et un petit groupe parmi lesquels les meilleurs artisans figurés, Sosimbana Niedo, on vient de vous parler. Et le génocide avait été préparé de manière que ce groupe de génocidaires a approché les Maïmaï ici à l'Est, qui étaient, comme le disait le professeur Aloïse, un groupe d'effets pour leur donner une mission de venir faire des massacres de quelques familles à Lumonge et à Nyanzalak, afin de se donner l'arbitre d'exécuter les plans macabres et génocidaires à travers tout le Burundi. Mais sans toutefois vous couper la parole, le professeur Ngaïmenda a parlé de Nyanzalak, de Bururi, de Changuzo, de Gitega et d'autres localités. Il n'y a pas que certaines familles qui ont été massacrées au sud du pays. Vous faites bien de le souligner. Ça, c'est une stratégie utilisée par le groupe que nous appelons au sein de notre collectif 1972 AA, un groupe de Michombélites. C'est un groupe qui a une idéologie de vouloir cacher ce fait génocidaire qui s'est passé dans notre pays en faisant une sorte de confusion, en faisant une sorte de confusion. À l'exemple que je peux vous donner, comme nous sommes ici autour de la table et que le Burundi avance vers une connaissance de la vérité, pourriez-vous demander au professeur Ngaïmenda de te dire au moins 7 personnes qui ont été massacrées au cours de cette période à Gitega et dans quelle commune et sur quelle colline? Au même moment, pourriez-vous lui demander pour qu'on ait une vérité sans équivoque? Cette personne également qui ont été massacrées à la même période à Changuzo, pour te dire que ça c'est une invasion des Michombélistes pour pouvoir cacher ce génocide qui a été commis contre les Hutus du Burundi. Quand même, vous reconnaissez au sein de votre collectif qu'il y a des Tutsis qui ont été assassinés dans différentes localités, quoique vous ne reconnaissez pas peut-être ceux qui les ont assassinés. Dans différentes localités, je dis bien non. C'est dans des endroits bien précis où ce groupe organisé par les génocidaires de l'époque a amené de l'est du Congo pour faire ces massacres afin de se donner un alibi, de mettre en œuvre les plans génocidaires, et ça se localise à Lumonge, comme l'a dit le professeur Aloïse, et à Nyanzalak, côté Vugizo. Merci. Passons la parole à M. Terence Mouchano, qui est vice-président de la CGNOC de Chilimoso. Il y a une divergence sur les faits. Qu'est-ce que vous dites au niveau de votre association par rapport justement à ces événements de 72? Merci de m'accorder la parole. En principe, avant d'entrer dans le vif du sujet, permettez-moi de rappeler ce qu'est le génocide. Le génocide est le résultat de l'idéologie divisionniste sur base soit ethnique, soit raciste, etc. Le 29 avril de 1972, il y a eu un déclenchement du génocide des Tutsis parce que ça était inné. Le résultat de l'enseignement idéologique contre les Tutsis. Il y avait des tracts qui ont été lancés. Il y avait toutes ces inquiétudes que notre ami Aloïse avait évoquées. En ce moment, et que le gouvernement ait appris et aller vérifier en Tanzanie réellement ce qu'on raconte corrobore avec la réalité, les faits sont têtus. Le 29 avril, les Tutsis ont été tués les premiers. On a même éventré les femmes enceintes pour que même il n'y ait aucun garçon qui survivrait pour perpétuer la vie de Tutsis. Prenons par exemple, au sud du pays, on a évoqué toutes les localités, Rumonge, Nyanzalak, Vugizo, Mabanda, Kiwago. Et à Vugizo, on avait même hissé le drapeau symbolisant la République du Soleil pour anéantir contre le drapeau. Le pays ne deviendrait avoir d'autres dénominations. Et ce qu'on regrette, c'est ce qu'avait dit le professeur Ngayimpenda, c'est qu'il y ait la répression qu'on qualifie d'aveugle, qu'on a tué beaucoup de Hutus, tant de coupables que de victimes innocentes. Mais le problème où est-il? Dans notre pays, pour savoir la vérité sur la justice issue de la communauté internationale, qui n'est pas guidée ni par les Hutus ni par les Tutsis, parce que le conflit réside entre deux communautés, c'est ce que ce génocide pense. Le peuple burundais doit se réconcilier. Sans passer par la justice, la réconciliation n'a pas de sens, n'aura pas lieu. Sur ce qui doit être fait, nous allons y arriver très bientôt. Quelle lecture faites-vous par rapport à ce que le gouvernement a fait de l'époque, envoyer des émissaires en Tanzanie pour vérifier les rumeurs, alors que, semble-t-il, l'insurrection serait venue de l'ex-Zaïr? Les investigations faites par l'un ou l'autre chercheur, il y a une tergiversation. Mais ce que les gens croient, c'est ce qu'on a dit. Nous devons avoir une commission d'enquête indépendante qui doit établir les responsabilités. Ce n'est pas à travers les micros seulement que la vérité sera trouvée. Seulement, c'est un cadre d'information, un cadre d'échange pour peut-être moraliser la société afin que cette perpétuité ne se répète. Que pensez-vous de ce fameux plan Sibananié? Est-ce qu'aurait-il existé ou bien ça n'existait que dans les têtes de ceux qui évoquent ce plan? N'étant pas l'avocat du diable, je n'ai pas eu d'informations à bon escient, je n'ai pas eu de preuves pouvant l'accuser. C'est cette justice qui pourra établir la responsabilité de ces bananes et la responsabilité des autres. Monsieur le professeur Aloïse Simba, Aloïse Batongwanayo, qui est chercheur, est-ce que dans vos recherches, qu'est-ce que vous auriez trouvé par rapport à ce fameux plan Sibanani? Bon, c'est vraiment une question très énigmatique dans la mesure où, jusqu'à présent, dans mes recherches, et je continue, je n'ai jamais vu le plan Sibanani écrit. Qu'est-ce que j'ai vu jusqu'à présent? Peut-être les autres ont trouvé quelque chose. Et ce serait une bonne chose pour moi, ça va compléter mes recherches. J'ai trouvé un document officiel rédigé par le commandant Ndayaroze Martin, à l'époque qui était ministre de la communication et chargé de la documentation, qui a envoyé une note au président de la République lui disant qu'il y a un plan d'élimination des Bahutus. Et il a dit que le chef de ce plan d'élimination des Bahoutous, c'est Artemo Simbananié. Donc, c'est ça qu'on appelle le plan Simbananié. Mais jusqu'à présent, moi, chercheur, je n'ai pas encore trouvé, j'ai beaucoup de documents, je ne dis pas que j'ai terminé, je n'ai pas encore trouvé un plan écrit et signé Simbananié. Sinon, tout ce qu'on nous montre, c'est cette communication officielle du ministre de l'Information, en même temps, d'ailleurs, pas seulement de l'Information, ministre de l'Information et chargé de la documentation, mais aussi chef du parti UPRONA, le parti unique. Monsieur Aloïse, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui il y ait de la divergence de point de vue sur ce qui s'est passé? Vous avez entendu les représentants des victimes et d'autres associations de différentes crises qui se sont abattues sur le Burundi. Pourquoi cette divergence de lecture? La divergence de lecture est tout à fait simple, parce qu'il y a ce qu'on appelle un chercheur qui a dit qu'il y a, chaque fois qu'il y a des crimes odieux, il y a ce qu'on appelle la concurrence des victimes. Aujourd'hui, les Batutsi disent qu'il y a eu un génocide ourdi contre les Batutsi. Les Bahutu parlent d'un génocide ourdi contre les Bahutu. Mais une réalité est là. Les Batutsi ont été massacrés, surtout au sud, selon mes recherches, et il y a même Jean-Pierre Chrétien qui avance en chiffre d'entre 2500 et 5000 Batutsi qui auraient été massacrés. Par contre, il avance un autre chiffre d'entre 100 et 150 000 des Bahutus qui ont été massacrés par le régime. Et d'ailleurs, lui, je pense qu'il écrit bien, parce qu'il écrit dans son livre, qui a été cité par Ngaïm Henda ici, qui est écrit « Burundi au bord des génocides ». Donc, Burundi 72, au bord des génocides. Et là, quand il parle d'un génocide, je cite, « un génocide qui a été ourdi par le pouvoir de l'époque, le pouvoir Micombero, et un autre génocide qui a été commis contre les Batutsi, surtout du Sud. » Donc voilà pourquoi les gens veulent se faire la concurrence de la souffrance de la part de tout un chacun. Mais la réalité est là. Monsieur le professeur Evariste Ngaïm Henda, Aloïse parle de deux génocides à une même époque. Vous partagez la lecture? Je partage pas la lecture. Je crois qu'il y a eu un plan de génocide contre les Tutsis. C'est ce que j'ai cru découvrir à travers mes investigations. Et je reconnais, je l'ai dit d'ailleurs dès le début de mon intervention, qu'il y a eu une répression absolument aveugle, absolument gratuite pour la plupart des cas qui ont été emportés par cette répression, parce que il n'y a pas eu de justice véritable. Mais de là parler de génocide, je ne franchis pas son pas. Parce qu'en fait, je crois que en génocide ne se mesure pas au nombre de victimes. En génocide est toujours un projet politique. Un génocide est d'abord pensé. Il est programmé, il est réfléchi, planifié, avec toute une infrastructure idéologique, matériel, financier, organisationnel, et il est mis en exécution. Le génocide a avorté, il n'a pas pu se consommer comme il avait été préparé. Ça, je l'affirme. En revanche, je n'ai pas cru voir une quelconque préparation de la part du pouvoir qui, à l'époque, était dominé par les Tutsis, essentiellement une région, la région du Sud, un plan de génocide dirigé contre les Hutus. Même si je le répète, je reconnais qu'il y a eu absolument une répression inassumable. Et dans mon ouvrage, j'ai parlé de crimes contre l'humanité. Et j'en arrive au plan Simbananié, qui, comme mon collègue Batungwanayo l'a dit, n'existe nulle part que je sache. Du moins, au stade actuel des recherches. Chrétien a cherché. Moi-même, j'ai cherché. Regens a cherché. Mon collègue ici, Batungwanayo, continue à chercher. Il est vraiment en plein dans la recherche. Il n'a pas encore vu. Et la première source à en parler, effectivement, c'est un rapport, comme il a dit. Le rapport, c'est un rapport politique. Numéro 93/100-CAB-CAB-68. Un rapport daté du 18 avril 1968 que le ministre Ndayahoze, en tant que secrétaire général près la maison du parti, le ministre de l'Information a adressé au président Micombero pour l'alerter contre la rumeur ambiante. Martin Dayahoze n'a jamais affirmé qu'il y avait un plan Simbananié. Et laissez-moi vous lire rapidement ce qu'il a écrit. Je cite. on parle même d'un apartheid Tutsi qui se prépare. Voilà l'histoire. Donc, il ne s'approprie pas ça. Voilà l'histoire. Donc, voici comment ça se raconte. Une organisation raciste et Tutsi possède un programme d'action dont Simbanani Atemo serait l'auteur. Le commandant d'ailleurs osé maîtriser très bien son français. Il dit bien serait l'auteur. N'a jamais affirmé que Simbanani en était l'auteur. Je continue. Le programme vise l'instauration d'un certain apartheid au Burundi. Sa réalisation s'opérerait, donc, encore une fois, il met au conditionnel, s'opérerait en trois étapes. Semer la haine entre les ethnies en noircissant fortement quelques intellectuels et autres. Vous faire disparaître physiquement, il s'adresse au président Bichombero. Vous faire disparaître physiquement pour plonger le pays dans la confusion et la colère, tablant sur les faux bruits déjà en circulation. Donc, une fois que Bichombero serait assassiné, crier à rose sur les Hutus pour récidive de 65. Donc, une exploitation de l'histoire, une mauvaise exploitation de l'histoire. Alors, il ne restera plus qu'à lancer une répression sanglante sur des cibles choisies d'avance et se montrer très actif dans l'épuration criminelle pour réclamer au pouvoir comme rançon de son zèle. Après le coup de balai, l'apartheid régnera au Burundi et le péril des Hutus sera anéanti à jamais. Donc, ceux qui prêtent ce plan à Ndayahoze trahissent délibérément sa mémoire. Ndayahoze n'a jamais affirmé ça. Il a juste alerté Bichombero sur la rumeur malsaine, tribaliste, ambiante, pour que le pouvoir reste alerte. La deuxième source, qui cela a affirmé, c'est une source de 73, rwandaise, dans le journal, je crois, présidentiel, Le Mois en Afrique, qui dit voilà, je cite encore une fois, l'année 68 a vu l'apparition du plan Simbanani. Un beau soir de 68, de 1968, le sinistre Simbanani, installé comme un pacha dans sa luxueuse villa de Bujumbura, échafauda le plan dit Harmonie pour l'égalité numérique. Ainsi de suite. Donc, je demande à celui qui aurait son plan de le montrer. Ça, c'est ma dolosité, de le montrer. Je reviens rapidement, je vais terminer à mon collègue François. Mon cher ami François, j'ai répondu un peu à ta question. Je ne cite qu'une question de projet politique, ce n'est pas une question de nombre de victimes. Ça, je suis tout à fait d'accord. Deux. Mais je vais te retourner la question. Je vais poser une question. Vous prétendez que le génocide contre les Hutus aurait été lancé en 72. Veux-tu me donner, puisque vous me demandez de décliner au moins cette personnalité tombée à Changuzo, cette personnalité tombée à Gitega, je ne fais pas sur un fond nécessairement 7 pour qu'on parle de génocide. C'est le minimum, mon petit. Est-ce que, je ne sais pas où tu prends ça, est-ce que tu peux me donner cette personnalité tombée dans ces endroits, cette personnalité Hutu tombée dans ces endroits le 29 ou même dans d'autres localités? Parce que prétendez que le génocide a été déclenché le 29. Par contre, je dispose d'une liste qui n'est pas exhaustive, c'est juste à titre indicatif. Je dispose d'une liste d'au moins 7, comme tu le demandes, tombées à Gahanga, une sous-colline de Bugizo. Je dispose d'une liste de personnalités. J'ai demandé à Gitega et à Changuzo. Écoutez, à Changuzo, je demandais si M. Ndolima n'a pas été macheté. La soirée du 29, c'était l'intervention militaire, d'autres allaient être machetés. Il y a un blessé qui, il y a 4 ans, il vivait encore. Je ne sais pas s'il vit encore aujourd'hui. Maintenant, ok, le génocide a été lancé contre les Hutus en 72, le 29. Donne-moi quand même le nom des têtes qui sont tombées ce jour-là. Monsieur le professeur, est-ce que ce plan Simbanani n'aurait pas un lien avec le fait que, tout juste après la crise, le président Bichombero a nommé Simbanani ambassadeur plénipotentiaire pour expliquer ce qui s'est passé? Non, je ne crois pas, parce que j'ai bien dit que le rapport politique du ministre Ndayahoze datait de 1968. Évidemment, l'accréditation de ce plan, effectivement, a puisé plus tard dans la relation entre le président Bichombero et Simbanani, qui effectivement s'est retrouvé pratiquement seul à gérer du moins la crise et du moins sur le plan diplomatique. Troisième chose, mais plus tard on l'a étendu, on l'a même antédaté, parce qu'on a parlé d'un plan Nichaïnzi Muhirwa qui datait de 1963-64. Donc l'histoire est instrumentalisée à volonté. Pour ceux qui nous auraient captés en cours de route, je rappelle qu'à travers l'émission Mosaïque d'aujourd'hui, nous sommes en train de parler de la crise de 1972. Les invités sont le professeur Evariste Ngaï Mhenda, chercheur et professeur d'université, Aloïse Batungwanayo, qui est aussi chercheur et qui écrit une thèse de doctorat sur la crise de 1972 également, François-Xavier Fabimana, coordinateur et représentant légal du collectif des rescapés, des victimes du génocide commis contre les Hutus du Burundi en 1972. Nous sommes aussi sur ce plateau avec Terence Mouchano, vice-président de la CGénocide. François-Xavier Fabimana, toujours de la divergence sur ce qui s'est passé. Est-ce qu'existe-t-il une vérité sur réellement ce qui s'est passé? La vérité est indiscutable. La vérité est indiscutable, d'autant plus que les victimes sont là pour être observées qu'il y a eu ce génocide. Je m'explique. Nous devrons comprendre une chose. La manière dont les Hutus ont été tués depuis le 29 avril 1972 n'est pas du tout un fruit du hasard. Je m'explique. Pour qu'il y ait un génocide, il faut d'abord une planification préalable. Deuxièmement, il faut que les massacres ciblent un groupe ethnique, religieux, etc. donné. Troisièmement, il faut qu'il y ait l'utilisation des moyens de l'État. Je m'en vais pour le premier critère. Quand les Hutus ont été massacrés en 1972, ceux qui les massacraient partaient dans des établissements, par exemple, secondaires. Et dans ces établissements secondaires, les génocidaires partaient avec les listes et ils lisaient dans les établissements des enfants, je dis des secondaires, non pas le nom, qu'est-ce que ces enfants qui dormaient dans le dortoir avec leurs condisciples avaient fait pour qu'un commandant qui vient de Bujumbura puisse savoir que le nom de celui-ci est Hutu, en dehors d'appeler les Tutsis parmi les gens qu'on devrait faire sortir pour aller les génocider. C'est qu'il y avait eu une planification préalable en connaissant les noms de ces enfants. Et cette planification s'est déroulée à travers tout le pays. Imaginez-vous, dans tous les établissements secondaires du pays, savoir que Joseph est Tutsi, que Aloïse est Hutu, que Ngaï Mhenda est Hutu, ou je ne sais pas qui, ou que Mouchano est Tutsi. Comment tu peux le savoir si tu ne l'as pas planifié et dans aussi un laps de temps? Ça fait un. De deux, quand on a génocidé les Hutus du Burundi en 1972, ces génocidaires ont ciblé uniquement les Hutus en allant les tuer. Ils ont utilisé quoi? Ils ont utilisé les moyens de l'État. C'était les camions militaires qui les transportaient. Ils utilisaient les chefs d'arrondissement, les gouverneurs de province, les chefs des établissements. C'était les gens qui sont investis du pouvoir de l'État. Donc, toutes les trois conditions qui sont exigées pour qu'un génocide soit reconnu se sont réunies dans le cadre du génocide commis contre les Hutus du Burundi en 1972. Pour ce qui est dit, Place Manani, je dois d'abord égrener le chapelet de mon cher collègue et mon ancien recteur, le professeur Evariste Ngaï Mhenda. Je dois te dire que le plan Simbanani. Selon les chercheurs d'ici. Mon cher ami Joseph, tu t'as dit qu'un plan doit nécessairement être écrit. Je peux me faire un plan, et ne pas l'écrire, mais l'exécuter. Est-ce que nécessairement un plan doit être écrit? Qui t'a dit ça? Deuxièmement, il y a des plans, les plans de ce genre, d'un crime aussi odieux de ce genre. C'est un plan à faire balancer dans la rue. Et un plan pour ce genre d'actes odieux ne doit pas être un plan qu'on doit balancer dans la rue. Troisièmement, si on te dit que Simbanani, c'est lui qui a été envoyé pour aller réclamer le Mwami, tu veux dire qu'il n'y a pas un plan quelque part, d'autant plus que le 29 avril coïncide avec l'assassinat du Mwami. Et par voie de conséquence, je voulais plutôt appelle à la reconnaissance de ce génocide qui a été commis par des gens bien connus, d'autant plus que le procès, un semblable de procès, a été rendu par des gens qui étaient assis ici à Bujumbura, parmi lesquels fait colonel Jean-Baptiste Bagaza, Nimubona et Kabunda Grégoire, que vous connaissez très bien, étaient le greffier. Un procès qui restait invite, dont une copie s'est génocidée, partait à travers tout le pays pour remplir les noms des victimes qu'il voulait génocider. Est-ce que vous avez une copie? Nous avons une copie. De ce nous avons une copie. Avez-vous les preuves de la validité? Oui, c'est valide. Le procès a lieu. Oui, le procès a lieu, monsieur. C'était le musée. Donc, ne vous dérangez pas, les génocidés sont connus. Plutôt, nous demandons que ces génocidés soient poursuivis par les juridictions compétentes. Le parquet général peut s'auto-saisir pour juger ces génocidaires. Mais chez nous, au sein du collectif, c'est ce que nous nous demandons. Nous demandons qu'au préalable, et nous venons d'adresser une lettre ce 5 avril au chef de l'État du Burundi, de mettre sur pied une enquête judiciaire spéciale pour diligenter une enquête, en s'appuyant également sur les résultats qui seront ici de la commission Vérité et Réconciliation, pour que, avec les enquêtes menées par cette commission spéciale judiciaire et les éléments qui proviendront des consultations au sein de la CVR, ils essaient de nous dire si oui ou non il y a eu génocide contre les Hutus du Burundi en 1972. Sinon, de notre côté, et c'est ça qui est la vérité, parce que nous disons ce que nous avons vécu, au sein du collectif des rescapés et victimes du génocide commis contre les Hutus du Burundi, ce génocide est indiscutable. Monsieur Xavier, il y a le chercheur Aloïse Batungwanay qui a parlé d'un double génocide. Un génocide d'un côté des Hutus, de l'autre côté des Tutsis. Bon, vous connaissez quand même qu'il y a eu des Tutsis qui ont été tués, dont on peut qualifier de génocide aussi. Si génocide il y a eu du côté des Tutsis, moi, je n'en sais absolument rien. Mais ce que je peux m'imaginer, c'est que s'il y a eu lieu, ça a été commis par le même auteur. Qui est cet auteur? Les génocides dont je viens de te parler. Le groupe est dirigé par Michomero et Simbanani. Ce sont ces groupes-là qui ont attaqué au sud du pays. Je te l'ai dit depuis longtemps qu'ils ont simulé l'attaque à travers un groupe de rebelles miéristes qu'ils avaient organisé à partir de l'Est du Congo. Et ça, c'est la simplification d'abord des choses. Je dois te dire, Angozi, allez-y demander ce que le gouverneur de l'époque, nous ne pouvons pas parler souvent le nom, a fait contre les Tutsis. Et si Makangozi ou Akayanza ne pouvaient pas y vivre un Tutsi. En 72, ils ont été massacrés. Je vais te dire, j'ai des grandes personnalités ici Tutsi, de Kirundo, qui ont vu les parents être massacrés en 1972. À cause de quoi? À cause de ce que Aloïse a dit tantôt, qui est relatif au régionalisme entre le groupe des Baïma d'ici et les Banyaruguru qui étaient des Tutsis du Nord. Et ça a eu lieu, si vous voulez, après cette émission. Je peux vous donner le nom à qui vous pouvez même demander un Tutsi, je dis tiens. Merci. Génocide ou crime contre l'humanité, tout le monde reconnaît qu'il y a eu des massacres de grande envergure des deux communautés. La question qui se pose ici, étant donné que le passé prépare l'avenir, que peut-on apprendre de ce passé douloureux, monsieur Mouchano Terrence? La polémique qui se trouve entre le double génocide dont on parle, c'est qu'il y a le révisionnisme et le négationnisme du génocide. Ces qualificatifs datent des années 1940, après le génocide des Juifs. Il y a quand même la banalisation, il y a quand même l'occultation du génocide. Qu'est-ce qu'on doit faire? Le gouvernement du Burundi doit demander au Conseil de sécurité des Nations Unies de ne pas se passer douloureux, de mettre sur pied une commission d'enquête internationale pour établir la vérité des faits, afin de mettre sur pied un tribunal pénal international où ne figureront ni Hutu ni Tutsi, parce que les deux, une personne ne peut être jugée partie. Même dans les accords d'Arusha, il doit y avoir un tribunal mixte qui va faire sa propre enquête, ne doit pas travailler sur le rapport de la CVR. La CVR, c'est pour votre émission, pour favoriser la réconciliation du peuple. Vous venez d'évoquer que la commission qui est tout de même la justice qui était composée par Bagazam et le gouverneur de Bururi, Nimouna, et le greffier, Kaunda, c'était de tous. Il y a le troisième. Imaginez-vous si une fois, on mettrait sur le pied le Hutu. Est-ce que croyez-vous que les victimes et tous seront satisfaites? C'est pour cela que le Conseil de sécurité des Nations Unies doit être saisi par le gouvernement du Burundi pour question d'équité, pour question d'indépendance de la magistrature. Pourquoi donc, cette commission spéciale d'enquête judiciaire devrait être nécessairement être composée par les Hutus ou les Tutsis uniquement? Moi, j'aurais aimé que ce soit une commission d'enquête judiciaire spéciale composée par les Hutus et les Tutsis et même les Tutsis indépendants. C'est moi qui pose les questions. Une autre chose, la situation douloureuse. Cette situation qui a produit des drames douloureux et répétitifs doivent être stoppés par qui? Ce mécanisme de justice. Parce que par le gouvernement, par la volonté politique. Imaginez-vous si les hommes politiques veulent toujours tirer la corde et tenir les boucs de sécession. Les victimes seront toujours dans le camp faible. Et toujours. C'est aussi les gens qui veulent planifier, comment on dit, la planification, la conception et la mise en exécution. Vous vous rendez compte que les gens ont même actuellement peur. Parce qu'il y a une impunité de son crime abominable. Avant de passer la parole aux deux chercheurs, je passe la parole à François Xavier. Qu'est-ce qu'on peut apprendre de ce passé douloureux et qu'est-ce qui doit être fait pour sortir de ce flou sur les auteurs et les victimes de cette crise? Nous l'avons très bien dit. La première solution proposée est que soit le parquet général de la République s'auto-saisisse. Ça, c'est premièrement. Deuxièmement, ils peuvent également mettre sur pied une commission d'enquête judiciaire, une commission spéciale pour essayer de qualifier le crime, la nature du crime qui a été commis contre les Hutus du Burundi. Troisièmement, il faut un développement du civisme. Les génocidaires qui ont génocidé nos parents n'avaient aucun élan, n'avaient aucun surpassement d'eux-mêmes pour pouvoir songer à leur état-nation. Moi, je vois qu'ils avaient eu un esprit animal, parce qu'un être humain ne peut pas oser être à la tête de l'État d'organiser, liquider toute la classe dominante de sa société. Parce que le génocide est commis contre les Hutus du Burundi, comme l'a dit Ngaï Menda, même s'il n'accepte pas que c'est un génocide, il essaie de nuancer que c'est un crime contre l'humanité. A touché, s'il vous plaît, tous les hauts cadres de l'État qui étaient Hutus. Ça, on l'a appris. Tous les étudiants, tous les commerçants, tous les élèves, sauf celui qui a pu les fouiller et organiser un tel plan génocidaire, ça fait reculer non seulement la nation, ça fait également laisser beaucoup de blessures dans de nombreuses familles, mais pire encore, ils ont tué nos parents et ils nous ont empêchés de pleurer. C'est très très douloureux, ces génocidaires avaient vraiment et l'esprit trop animal. Monsieur Savimana, que pensez-vous de la réconciliation entre les deux communautés Tutsi et Hutu pour sortir de cet engrenage de crise? Je dois d'abord vous dire, Monsieur Joseph, c'est un impératif. Il faut que les Burundais avancent vers cette réconciliation. Et ce qu'il faut, c'est déjà ce qui est en train d'abord d'être fait au niveau de l'État. Je remercie d'abord particulièrement le gouvernement du Burundi qui essaie de doubler ses efforts pour mettre en place des mécanismes non seulement de réconciliation. Et d'ici dernièrement, on vient de créer des commissions, celle de l'unité nationale et celle qui doit prévenir le génocide, les crimes de guerre et les crimes contre l'humanité. C'est dans cette ligne directrice que moi j'appellerai la recomposition. Tout citoyen Burundi et même les étrangers qui vivent dans ce pays, parce que dans le génocide dont nos parents ont été victimes, il y a des étrangers qui ont versé dans cela. Particulièrement les réfugiés rwandais qui vivaient dans ce pays, ils ont été complices dans ce génocide du côté des Tutsis qui participaient dans ce génocide. Certes, pas tous les Tutsis génocidaires. Et là, j'appelle à tout le monde que ce qu'ils doivent faire, c'est d'essayer de développer un esprit de citoyenneté et de civisme. Merci. À la délicence de réconcilier. Merci. Je passe la parole au professeur Evariste Ngaïn-Henda. Aujourd'hui, qu'est-ce que ce passé devrait très brièvement pourrait nous enseigner et comment surpasser ces divergences pour regarder ensemble en avant et pour construire le Burundi ensemble, les routes et tout. Bon, je voudrais d'abord, avant d'aller à votre question, revenir sur trois petites choses. Très brièvement. Un, je voudrais donner un conseil gratuit à notre ami François. Si vous voulez plaider votre cause, je vous inviterai à déplacer la date du 29 avril. Peut-être aller au mois de mai, parce que je vous ai posé la question à plusieurs reprises. Vous ne trouvez pas un seul Hutu tué le 29 avril d'une main d'un Tutsi. Il y en a. Ok, vous allez me l'apprendre. Deuxième chose. Je refuse de ce conseil. Je refuse de ce conseil. C'est un conseil tronqué. C'est ton droit. C'est le professeur qui a la parole. C'est ton droit. D'accord, mais c'est un conseil tronqué. Deuxième chose, je voudrais quand même, qui s'est déjà dit, c'est noté, je voudrais quand même vous inviter à clarifier ce que vous voulez exactement. Vous écrivez au président de la République, je sais que vous avez déjà écrit au président de l'Assemblée nationale. Vous demandez qu'il y ait mise en place d'une commission d'enquête internationale à la suite du rapport de la CVR. Ce n'est pas une enquête internationale. Nationale. Le gouvernement du Burundi n'a pas la prérogative de commettre une enquête judiciaire internationale, mais c'est une enquête judiciaire spéciale. C'est une commission d'enquête judiciaire spéciale. Ok, je te suis, je viens. Mais que je sache, le génocide relève, est un crime qui relève du droit international. Mais pour des raisons qui vous sont... Attendez, pour des raisons qui vous sont propres. Et que tout le monde comprend. Je vais y revenir. Vous voulez réduire ça à une question nationale. Pas nécessairement. Tant et si bien que depuis un mois. Comment sortir de... Bien que vous prétendez que le génocide est commencé... Même si c'est sur le plateau de l'affiché. Ce génocide est commencé le 29 avril. Qui a tué le roi, le Mouami? Attendez. Qui a tué le Mouami? Le Mouami n'était pas en retour. C'était quand même un Ganois. Attendez. Attendez, s'il vous plaît. Laissez-moi parler, je t'ai laissé parler. Laissez-moi parler. Parlez vos paroles, mais depuis, non, je ne pas de ce que j'ai parlé. Depuis un mois, je vois une pancarte où il est dit commémoration du 46e anniversaire du génocide contre les Hutus de 1960. C'est notre droit d'exercer des voies de mémoire. Est-ce que... Et nous l'avons exercé, dira tout le monde. Est-ce que le génocide est déjà constaté ou il est à constater? Monsieur, pourquoi après, pendant que vous êtes en train de commémorer, vous demandez encore des enquêtes? Monsieur le professeur, est-ce qu'il est possible de faire une même lecture de ce qui s'est passé et de regarder en avant? Bien sûr qu'il est possible. Quelle proposition? Le tout est d'être honnête. Le tout est aussi d'être professionnel. Parce que le drame dans ce pays, c'est qu'on a laissé cet espace à des tout venants, à des manipulateurs politiques, parfois des militants de base. Sinon, s'il y a un minimum de bonne foi, s'il y a un minimum de volonté de reconstruire, de construire la nation et d'aller de l'avant, s'il y a un minimum de professionnalisme... Essayez de respecter les victimes du génocide qui nous sommes. S'il vous plaît. Je respecte toutes les victimes. Pas seulement vous, même les autres. Nous sommes en train de parler. Je respecte toutes les victimes. Monsieur le professeur, qu'est-ce qui pourrait être fait justement pour sinon, faire... Vous risquez d'être jugé de négationniste. C'est moi qui pose les questions. Vous êtes libre de me juger, mais... Pour faire, qu'est-ce qui pourrait être fait? J'ai demandé, j'ai dit, avec un minimum de bonne foi, avec un minimum de civisme, avec un minimum de professionnalisme, avec un minimum de volonté d'aller de l'avant, et non de manipulation, d'instrumentalisation de l'histoire, il y a lieu de faire une lecture convergente. Et j'ai suivi de bout en bout mon collègue Bantumwanayo Aloïs, je crois que sur l'essentiel, on a convergé. Donc, c'est déjà une preuve que c'est possible. Merci beaucoup pour ces contributions. C'est la même question adressée à Aloïs Bantumwanayo. Comment faire une même lecture de ce qui s'est passé et comment les deux communautés pourraient construire cette nation? Comment faire une même lecture? Pour moi, c'est simple. D'abord, il faut éviter de favoriser une mémoire officielle. Parce que depuis ce drame-là, il y a eu le favoritisme d'une mémoire officielle qui a dit qu'il y a eu un génocide contre les Watutsi. Ça, ça se voit dans le livre, un petit livre qui s'appelle le livre blanc, qui a été écrit par le ministère de la Communication après 72, je l'ai, et qui montre qu'il y a eu un génocide contre les Watutsi. Et du coup, le régime en place, le régime de Mitombero, a interdit les familles des victimes Wahutu de pleurer, de faire le deuil, et de faire le lever de deuil, et de revendiquer les primes pour les intellectuels qui avaient été massacrés. Donc, pour moi, c'est facile, laisser tout le monde pleurer les leurs et ne favoriser aucune mémoire au détriment de l'autre. Ça, c'est la première chose. Parce que ça a été, depuis 72 jusque les années 90, il était interdit même de pleurer, même de montrer aucune trace de la disparition d'un membre de la famille. Ça, il faut éviter ça. La deuxième chose, pour moi, c'est de promouvoir la recherche. Parce que lorsqu'on promeut la recherche, il est facile de converger sur la réalité. Parce que la réalité scientifique, elle est une, ce n'est pas deux. Parce que ça n'a pas eu lieu. Je remercie. Qui pourrait faire ces recherches, justement, qui pourrait... Les scientifiques. Les scientifiques, il y en a. Pas les militants. Les scientifiques, il y en a. Je remercie l'Université du Burundi avec le CENAP qui ont conduit une dizaine de mémoires qui ont été publiées il y a, je pense, une année et deux ans. Et ces mémoires sont quand même un début de recherche scientifique qui peut arriver à la vérité. Et l'autre chose, il faut laisser parler, il faut laisser travailler la commission vérité et réconciliation. Parce que la commission vérité et réconciliation arrive là où les chercheurs n'arrivent pas. Parce que les gens qui ont été malmenés, qui ont perdu les leurs en 72, gardent une blessure. Il faut les laisser parler. C'est sur cette contribution d'Aloïse Batumba Nayo que nous mettons un terme à ce débat qui était centré sur la crise de 1972, à qui d'ailleurs nous disons merci. Merci beaucoup. Merci également au professeur Evariste Ngaïm Henda. Je rappelle que vous êtes chercheur et professeur d'université. Je vous remercie également et je remercie ceux qui nous écoutent. Merci aussi à François Xavier, coordinateur et représentant légal du collectif des rescapés et des victimes du génocide commis contre les Hutus du Burundi en 1972 AA. Merci pour vos contributions. Merci beaucoup mon frère Joseph et merci à tous nos auditeurs. Merci aussi à Terence Mouchano. Je rappelle que vous êtes vice-président de l'AC Génocide de Chilimoso. Merci monsieur Joseph, mais aussi je clôture par pour qu'il y ait la paix durable, la lutte contre le génocide, il faut qu'il y ait une volonté politique burundaise ferme. Merci. Nous disons également merci à Eric Ouimana pour la mise en onde, merci également à Jérôme Nyonzima pour la réalisation et merci à vous tous qui nous avez écoutés. Au micro, vous étiez avec Joseph Sabiabandi. Très bonne suite des programmes à la radio Isanganiro. À la prochaine. Mosaïque.